Thank you. Ouais, c'est nul ça. C'est quoi ce truc de merde? Tape délai, amplitude, délai. Délai. Appuie, tape, écho. Écho, man.